Et dis le coup qu'on lui dit, Et parcourir que je m'attends à ma taille libérée. Oui, parce que pour la complémentarité. Mon avis, il est dans les complétaires et la nuit. Dans mon usage, je prends la commande. Mon bimba, il est illitré à la nuit. Merci pour les coups à la main du finissage. Accent, il faut les coups à la main de la base du rôle. C'est ça que c'est de plaisir, il a la vie. Et mes ordres qui a tout dit à sa Para la boca, al estilo de Lumumba, Sandra Alcadilla.